quitter la Louisiane au sud des États-Unis, rencontrer Jimmy C. Humain, parler aux gens du pays, visiter les bayous, les champs de coton, les prairies, goûter au plat du gombo, danser au bal du samedi. Pour entendre jouer du violon par les musiciens acadiens, écouter jouer l'accordéon comme seul se fait les cajuns. Pour entendre chanter des refrains par les musiciens acadiens, écouter chanter en français comme seul se fait les cajuns. J'aimerais visiter la Louisiane, voir de près leurs chênes verts. Excursion dans les savanes et pêcher dans les rivières. S'amuser ou faire dodo sur des airs d'acadiens. Prendre un petit verre de Porto et fêter jusqu'au matin. Entendre jouer du violon par les musiciens acadiens, écouter jouer l'accordéon comme seul se fait les cajuns. Pour entendre chanter des refrains par les musiciens acadiens, écouter chanter en français comme seul se fait les cajuns. J'aimerais visiter la Louisiane au sud des États-Unis, rencontrer Jimmy C. Humain, parler aux gens du pays. Pour visiter les bayous, les champs de coton, les prairies, goûter au plat du gombo